Depuis le 18 janvier dernier, date du début des états généraux de la bioéthique, le débat a peu ou prou été monopolisé par deux acronymes, PMA et GPA. Or, cette grande consultation nationale et publique qui doit durer jusqu'à début juillet a des ambitions autrement plus vastes que de réfléchir aux seules méthodes de procréation assistée. Recherche sur l'embryon, cellules souches génomiques, mais aussi développement du big data et de la santé connectée, fin de vie, dons d'organes. Quels sont donc les enjeux de la réflexion bioéthique en France en 2018. Quel cadre pour la recherche de demain? C'est le problème que nous allons tenter de résoudre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour aborder ces questions sensibles et s'interroger sur la portée de ce débat qui se veut, comme je le disais à l'instant, national, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Karine Lefeuvre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste, professeur de droit et d'éthique à l'École des hautes études en santé publique, membre du CCNE, le Conseil consultatif national d'éthique, depuis décembre 2017, décembre dernier. Bonjour Emmanuel Hirsch. Bonjour Nicolas Martin. Vous êtes professeur d'éthique médicale à la faculté de médecine de l'université Paris Sud, également président du Conseil pour l'éthique de la recherche et de l'intégrité scientifique de Paris-Saclay. Voilà, vous pouvez suivre comme chaque jour cette émission sur les ondes et en parallèle sur notre fil et notre compte Twitter @laméthodefc. Alors voilà, je le disais à l'instant, est-ce que il vous semble que le début de ces états généraux qui sont, et on y reviendra, une consultation nationale, c'est important, hein, qui ont la vocation d'être un grand débat citoyen. Est-ce que vous avez le sentiment que ce début de débat a été préempté en quelque sorte par les questions de PMA et de GPA, que c'est, pourrait-on dire, un faux départ, Karine Lefeuvre? C'est justement le message qu'a voulu faire passer le professeur Jean-François Delfrécy, hein, qui est le président du CCNE lors de l'ouverture des états généraux à la Maison de la Chimie le 18 janvier, en disant bien à la presse présente, surtout ne focalisez pas sur la fin de vie, mais aussi sur la GPA et la PMA, parce qu'il y a toute une série de questions relatives aux avancées de la science et puis des questions bien sûr sociétales. Emmanuel Hirsch. Je pense qu'on va vivre un moment assez historique, parce que contrairement aux états généraux de la précédente loi qui avait commencé en 2009, le président de la République, c'est une volonté donc d'un philosophe, puisqu'on a un philosophe président de la République, a voulu ouvrir ces états généraux à toutes les questions finalement qui concernent le vivant, mais également notre relation au monde, avec l'éruption notamment des nouvelles technologies dont on parle beaucoup, y compris sur France Culture. Donc je pense qu'ils ne sont pas encore commencés véritablement. Si j'avais un message à envoyer à tout le monde, c'est de reprendre finalement le slogan de France Culture, la notion d'esprit d'ouverture. C'est-à-dire qu'on soit ouvert au pluralisme des points de vue, dans un moment où ce qui se joue, c'est de devenir de ce que nous sommes en tant que société, en termes de civilisation aussi, dans un contexte de compétition internationale où d'autres sont très peu préoccupés par notre bioéthique, j'allais dire à la française, par nos valeurs. Donc j'ai l'impression, et tout à l'heure on a évoqué Jean-François Delfrécy, on a la chance d'avoir un président du Comité consultatif national d'éthique qui a été un homme engagé dans des combats pour la santé, pour des valeurs, notamment à travers le sida. Donc c'est une personne qui est enracinée dans le réel. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on parte dans des débats trop métaphysiques. Et il ne faut pas qu'on soit uniquement obsédé par les questions qui animeraient un petit peu les controverses. L'assistance médicale à la procréation, on en parlera tout à l'heure. Toutes ces questions sont des questions, pour moi, qui sont un petit peu dépassées au niveau des enjeux. Alors il y a eu des évolutions scientifiques. Et la vraie question, pour moi, c'est quelle humanité veut-on demain ? Surtout peut-on demain, c'est-à-dire quels seront nos pouvoirs d'intervenir, notamment en termes de régulation. Donc c'est un véritable champ politique, et c'est bien encore une fois que le président de la République n'ait pas voulu circonscrire notre débat à des questions qui pour moi sont un peu désuètes. Est-ce à dire, Emmanuel Hirsch, qu'il faut préciser que ces deux thèmes les plus sociétaux de ces états généraux de la bioéthique, c'est-à-dire l'assistance médicale à la procréation et la fin de vie, sont des thèmes qui ont été ajoutée par le CCNE au débat stricto sensu scientifique, même s'il y a évidemment une part de débat scientifique dans ces deux questions-là. Est-ce que ça veut dire qu'il ne fallait pas ajouter ces débats au risque de préempter... Karine Lefebvre, qui est une juriste, elle en dirait davantage. Mais c'est un jeu un peu de magicien d'avoir ajouté la fin de vie, alors que c'est pas une loi de bioéthique, c'est une loi spécifique. On a légiféré le 2 février. Donc il y a probablement des stratégies politiques de dire finalement on va amuser un peu la galerie en reprenant un débat, notamment pour aller jusqu'à l'euthanasie. Moi je suis plus préoccupé, vous l'avez évoqué sur France Culture la semaine dernière, par ce qui se passe dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, c'est-à-dire la vie des personnes qui vieillissent dans notre société, qui sont aussi des auditrices et personnes de France Culture, que leur mort. Donc je trouve que ça c'est un sujet beaucoup plus central. Donc on nous a mis comme ça, et j'imagine, vous savez, c'est comme les avions quand ils vont décoller, on met comme ça un certain nombre de leurres pour détourner un petit peu l'attention sur les vraies questions. La vraie question, et je serais curieux de savoir ce que Karine en pense, c'est comment penser l'intelligence artificielle dans un contexte où on ne maîtrise plus rien, où ce sont les GAFI, que ce sont les Matix, enfin tout un ensemble de sociétés finalement anonymes qui font de la financiarisation de l'éthique. Voilà des vraies questions. On va évidemment aborder ces questions liées aux nouvelles technologies. Une question, Karine Lefebvre, est-ce qu'effectivement il y a une volonté simplement politique de mettre ces deux grands sujets sociétaux pour envoyer un peu de la poudre aux yeux et dissimuler ce que sont les grands débats, comme vient de l'évoquer Emmanuel Hirsch, de notre rapport collectif à la science, à la recherche et à l'éthique de demain? Alors moi, je reviendrai en juriste qui se respecte, si on peut dire, aux missions du CCNE qui ont été complétées dans la dernière loi bioéthique de 2011 et qui précise que le CCNE doit intervenir dans tout projet de réforme sur les problèmes éthiques et les questions de société, donc c'est quand même extrêmement large, soulevé par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine, de la santé, doit être précédé d'un débat public. Mmh. Donc on voit bien que c'est... on peut l'interpréter comme ça, mais c'est plus large. Public, qu'on a eu de 2012 jusqu'à 2016, c'était notamment la révision de la loi Leonetti, puisque c'était une intention de François Hollande. Donc aussi, c'est pour reprendre des débats. On avait d'autres urgences, me semble-t-il, qui conditionnent le devenir de notre société et les générations futures. En tout cas, c'est vrai que les questions qui sont mises sur la table, puisque c'est ça l'idée, sont extrêmement larges. Il y a sept points différents qui concernent les questions liées aux avancées de la science. Donc c'est vrai qu'il y a de la matière. Alors on va revenir sur ces points et on va examiner tout ça. Moi je trouve intéressant tout de même de rappeler, puisque on ne le redira jamais assez, ces états généraux de la bioéthique sont une grande consultation nationale qui ont pour ambition d'impliquer tous les citoyens dans cette réflexion collective pour faire société, pour définir ce que nous voulons être comme société de demain, comme vient de le dire Emmanuel Hirsch. C'est peut-être important de rappeler aux gens qui ne le savent pas ou qui ne s'en souviennent pas d'où vient cette notion de bioéthique. C'est pas la notion de bioéthique qui est intéressante, c'est finalement l'évolution de la biomédecine qui devient une science, des technologies, des technosciences, avec des conséquences sur un certain nombre de représentations de ce qu'est le vivant, d'un certain nombre de valeurs. Donc la bioéthique, elle émerge dans les années 70, et c'est finalement face au pouvoir en quelque sorte et aux conséquences que mobilise la science, notamment sur la question de la génomique, pour prendre un exemple précis. Bref, c'est ça l'origine, c'est une certaine forme d'inquiétude. Et pour des démocrates, le besoin d'encadrer un certain nombre de pratiques. Non pas de les limiter, mais de voir quel est le sens, quelle est la portée de ces pratiques. Et ensuite, on va légiférer. Et c'est toute la question de la difficulté de légiférer dans ce domaine. C'est-à-dire, est-ce que c'est responsabiliser les acteurs ou légiférer? L'originalité, si vous voulez, de ces lois relatives à la bioéthique, c'est qu'elles soient révisées tous les 7 ans. Comment peut-on envisager, sur quel principe peut-on envisager qu'une loi qui fonde un certain nombre de principes, oublier que la bioéthique, elle naît avec le code de Nuremberg en 47 après la Shoah, avec l'expérience. C'est important de le rappeler. C'est important de le dire. Alors ensuite, il y a toujours de praxis très importante. Donc ça n'apparaît pas dans un contexte, j'allais dire, anodin. Mm. C'est l'expérimentation sur la personne avec des réflexions de fond. Mais là, on ne va pas détailler le fait. Ce qui est tout à fait intéressant, et Karine, comme juriste, elle pourra nous expliquer mieux ce mécanisme, c'est qu'effectivement, on révise des lois parce que la science évolue, et d'une certaine manière, la loi suit. Et ce qui me stupéfait aujourd'hui, c'est que certains parlementaires se disent, est-ce que nos lois ont encore une certaine forme d'utilité ? Karine Lefebvre, sur ses origines de la bioéthique et sur l'évolution de la réflexion bioéthique. On peut peut-être rappeler ce qu'est la bioéthique. La définition, c'est en fait toutes les questions éthiques, comme son nom l'indique, qui sont soulevées par les avancées de la recherche liées à la médecine, à la biologie, à la génétique. Et quand même, ce qui est tout à fait intéressant et ce qui fait l'originalité de ces révisions, même si après il y a tout l'enjeu de à quoi sert le fait d'aller questionner les citoyens citoyens et qu'est-ce qu'on en fait vraiment. Là, on en a échangé tout à l'heure, on aura l'occasion d'y revenir. Mais c'est quand même le fait que cette révision des lois bioéthiques, elle repose sur la mise en place d'états généraux. Et les états généraux, en fait, c'est quoi? C'est le fait d'aller questionner les citoyens, d'aller, et là encore, hein, le président du CCNE a vraiment beaucoup insisté là-dessus. L'objectif, c'est de recueillir les questionnements des citoyens. C'est absolument pas des débats d'experts. C'est, même s'il faut quand même éclairer à la base, parce que ce sont quand même des questions parfois très techniques, hein, et en même temps, ce sont des enjeux de société. Donc, il faut éclairer les citoyens que l'on souhaite convier sur ces questions, ces grandes lignes, pour essayer de recueillir leurs réactions, pour essayer justement d'ajuster, d'amender la loi. Hein, c'est un petit peu cet objectif. Et juste quand même, pour finir sur ces modalités, c'est vraiment cette originalité des états généraux. C'est qu'en fait, il y a quatre outils hein, qui sont mis en place. Il y a le site web qui va bientôt ouvrir. Etatsgeneraux-de-la-bioéthique.fr. Voilà. Qui est en cours d'ouverture. Tout citoyen pourra s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Hein. Ça, c'est le cadre. Il faut savoir ce qu'il va faire. Je finis juste sur les outils. Donc il y a cette modalité là. C'est ce qui a été d'ailleurs aussi l'objet lors de des échanges sur la stratégie nationale de santé, où il y a un site qui a été aussi proposé par le ministère de la Santé, libre à chacun. Donc ça veut dire que quel que soit l'âge, quelle que soit la couleur, quelles que soient les opinions politiques, philosophiques, on peut s'exprimer. Donc c'est aussi la responsabilité de chacun de s'en saisir. Ensuite, il y a des auditions. Donc, on va faire à peu près 200 auditions. C'est quand même assez conséquent. De sociétés savantes, d'organisations confessionnelles également. Tout à fait. Il y a toutes les manifestations en région. Et là, je pense que ce sera intéressant sur Paris, mais partout en France, hein, sous des formes extrêmement diverses. Et puis, il y a ce comité citoyen qui est mis en place d'une vingtaine de personnes. Qui ont déjà été sélectionnés ou pas encore? Qui ont été sélectionnés, qui sont censés représenter un petit peu toute la société et qui vont faire l'objet d'une... Enfin, ils vont avoir une formation, un éclairage auquel je vais participer d'ailleurs le week-end prochain. Donc c'est... voilà, on a quand même une diversité, une variété des formes. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'au moins Karine, qui est membre du CCN, ait des convictions. Je préfère la méthode scientifique à la méthode bioéthique qui est un petit peu réductrice. Juste pour rappeler quand même que les fondements de la bioéthique, c'est quelques principes. Le respect, la bienveillance, la justice, la non-malfaisance, également la dignité. Donc il y a quelques principes. Ça, c'est et le principe d'intangibilité aussi. Voilà, non, mais ça, c'est ce qui anime en quelque sorte, c'est les fondamentaux. Mmh. Ensuite, vous avez eu une série de lois. La vraie question aujourd'hui, ce n'est pas de parler d'hier, de la politique d'hier. Comme en politique, on ne parle pas de la politique d'hier, puisqu'il y a une politique d'aujourd'hui, voire de demain. C'est les nouveaux territoires de la bioéthique. Mmh. C'est-à-dire que tous les concepts qui étaient pertinents à une époque sont revus aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est pas une bioéthique, j'allais dire, qui est une bioéthique à la française ou même à l'européenne. On a énormément de textes en matière de bioéthique. Il n'y a bien rien besoin de réinventer. La vraie question, c'est comment nous laisser surprendre par des questions qui font irruption aujourd'hui et qui nous laissent très peu de temps pour la penser. Vous voyez, ce qui est surprenant, c'est que ces états généraux sont en deux temps. 6 mois de débat, c'est un peu court par rapport à l'amplitude des sujets. C'est un peu court pour mobiliser des gens, c'est-à-dire pour trouver une intelligence des sujets. Vous faites des émissions longue durée à France Culture. Sur France Info, il y a des émissions de courte durée. Je suis pas contre, je n'oppose pas l'un à l'autre. Mais on a besoin de profondeur, on a besoin de discussion, on a besoin d'associer aussi différentes composantes de la société. Le monde intellectuel, en général, est très peu présent sur ces questions. Regardez, à part un grand livre de Luc Ferry sur le transhumanisme, il y en a quelques-uns. Vous avez Laurent Alexandre. Mais si vous voulez, le côté chétif, on est très très démunis. Mmh. Et donc, du jour au lendemain, on dit voilà, on va lancer du débat. Alors, effectivement, au niveau de l'affichage, on pourra dire il y a eu 600 débats, il y a eu tel type de représentativité. Ce qui m'intéresse véritablement, beaucoup plus que le débat, c'est ce qu'on va faire de tout ce qui va remonter, notamment de gens qui ne se retrouvent pas du tout dans ces avancées et qui se retrouvent choqués, violés, violentés dans ce qu'ils sont par rapport à des avancées que personne ne contrôle. Et donc, on a une certaine impuissance à gérer, on a un accompagnement à penser, et ce qui m'intéresse, c'est pas les états généraux, c'est l'après-états généraux. C'est-à-dire la loi, la loi, à mon avis, elle est désuète d'avance. C'est intéressant qu'on ait des repères, ça fera plaisir, on est dans un état de droit. La vraie question, vous pensez qu'en Chine, quand ils font le clonage de chimpanzés, ils ont la... Bon, donc, soyons pas naïfs. On en a parlé ici longuement, c'est bien pour nous rassurer en disant qu'on partage un certain nombre de valeurs. Mais ce qui m'intéresse, c'est que les professionnels, les scientifiques sur la paillasse puissent anticiper, accompagner, éclairer la société. Et ça se fait pas en 6 mois. Un mot peut-être, alors deux mots pour boucler un peu cette introduction. Peut-être le premier, c'est ce que vient de dire Emmanuel Hirsch, dont on entend qu'il est très préoccupé par les questions de liées à l'intelligence artificielle, au développement du numérique, au big data, aux mégadonnées, bref, à cette invasion qui a effectivement été très peu contrôlée et maîtrisée, et peut-elle l'être d'ailleurs par un État central ou par des pouvoirs publics, c'est une question qui reste entière. Mais Karine Lefeuvre, la question qui est sous-jacente à celle-là, c'est aujourd'hui, quand on parle effectivement de comités citoyens, quels que soient les citoyens représentatifs, quelles que soient les questions qu'on pose encore faut-il avoir déjà les moyens de s'interroger, de venir, d'aller jusqu'à Internet. Mmh. On sait qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout cette pratique-là et qui peuvent être touchés profondément, personnellement, par ces questions de bioéthique. Est-ce que la science, aujourd'hui, n'est pas arrivée à un point de technicité, de spécialisation, qui rend le principe d'une consultation citoyenne, qui le met un peu en porte-à-faux, dirais-je? En fait, là, vous posez la question de l'accessibilité à l'information, l'accessibilité au droit et l'accessibilité au débat. Et au débat, c'est une vraie question de démocratie en santé, parce que on en entend parler beaucoup sous toutes ses formes. Et finalement, on se dit l'idée, c'est de faire participer, de donner l'accès à l'expression. Mais comment aller chercher, c'est le challenge de ces états généraux, que ça ne reste pas effectivement des conférences citoyennes pour des personnes qui ont un certain niveau social ou un certain niveau d'éducation. Donc c'est pour cela justement qu'il y a une variété et d'essayer de se dire, cherchons les lieux les plus proches. Ça peut être dans des maisons de quartier, ça peut être dans des EHPAD, auprès de lycéens. Alors je ne sais pas s'il y a des et pourquoi pas, ou alors ça peut être au directeur d'EHPAD d'organiser et de transporter l'Espace Éthique Île-de-France va une fois par mois dans des EHPAD et dans des établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap. Ils ont plus à dire sur la bioéthique d'un point de vulnérabilité que vous le pensez. Certainement. Karine Lefeuvre, pour conclure ce que vous étiez en train de dire, c'est sur cette question de l'extrême technicité, de la difficulté finalement de permettre d'utiliser utiliser un vilain anglicisme, d'empowerment des techniques et des sciences aujourd'hui par les citoyens d'une nation quelle qu'elle soit. Peut-être que finalement le vrai défi, c'est d'essayer de rendre le plus simple possible des questions qui concernent tous les citoyens, alors qu'au départ ça peut paraître extrêmement technique. Quand on prend son portable, quand on prend tous les enjeux autour des données de santé, on se dit il y a plein de données personnelles qui sont recueillies sans qu'on en ait complètement à notre insu, sans qu'on en ait la moindre idée. Et finalement, ça pose en termes de droit des questions de respect de la vie privée, ça donne des questions de droit à l'information, ça concerne tout le monde, ça concerne tout un chacun. Ou les études sur l'impact que peut avoir l'utilisation, entre autres, des téléphones portables ou d'autres choses, sur des enfants et sur leur santé mentale, ça aussi, ça concerne tout le monde aussi. Mais Karine, je me permets juste une observation. Le 22 novembre dernier, le comité consultatif national d'éthique a réuni l'ensemble des comités scientifiques de l'ensemble des établissements scientifiques en France. C'était une journée passionnante. Vous avez du CNES jusqu'à l'INSERM, en passant par toutes véritablement les instances, des gens qui réfléchissent, qui produisent des rapports d'une qualité que vous ne pouvez pas imaginer. Le CCNE, je crois, en est à 124 avis. Quand vous les lisez, vous dites on est au fond de la bioéthique. C'est-à-dire c'est de l'argumentation et c'est des avis. Le comité d'éthique de l'INSERM est exceptionnel. Avec Hervé Schneffels, il travaille d'une manière très concrète. D'accord, bien. Et donc, ce qui est quand même frappant, 127 avis. Voilà, 127. Moi, j'en étais au 124e. Et un des prochains avis, c'est d'ailleurs sur le vieillissement de la société, pour dire que c'est pas uniquement des sujets de bioéthique au temps technique du terme. Ce qui me frappe, c'est qu'il y a énormément de textes. Il y a énormément de gens qui pensent ces questions. Mais quelle ouverture ils ont sur le réel, sur la cité? Comment on s'approprie? Comment les gens s'approprient? Quelle est l'implémentation? Donc, je ne suis pas certain que la démagogie de dire on va en parler comme ça sociétalement soit véritablement l'ouverture à une capacité pour la société de s'approprier ces questions. Pourquoi? Parce que quand on écoute France Culture, on suit au jour le jour des avancées qui sont dans un immédiat qui nous permet pas de prendre de recul. Et on est dans des innovations disruptives aujourd'hui. C'est-à-dire, on n'a pas le temps même de l'implémentation. Donc moi, ce qui me semble intéressant dans les débats de bioéthique, c'est déjà de sensibiliser les chercheurs, c'est-à-dire les jeunes dans la société qui vont être les scientifiques de demain. Et de plus en plus, et ça c'est intéressant, dans tous les organismes scientifiques, mais dans toutes les universités, il y a de la formation l'éthique des sciences, d'une certaine manière, et il y a pour les scientifiques une responsabilité extraordinaire à comprendre leur mission en termes de science, de société, et en termes également politiques. Pour moi, je le dis d'un mot, c'est un débat politique. Il faut qu'il soit mené d'un débat, d'une manière politique. Et donc, ce n'est pas un débat uniquement, j'allais dire, sur la génomique. Enfin, les enjeux sont à un autre niveau. Vous avez le sentiment, Karine Lefeuvre, que à vouloir faire un grand débat citoyen large, on perd finalement ce que vient de dire Emmanuel Hirsch. Et vous me corrigerez si je résume mal votre propos, mais finalement, une véritable impulsion politique sur ces questions de bioéthique qui sont des questions sensibles. C'est difficile. C'est pas une question simple. Je pense que Emmanuel, tu as parlé à plusieurs reprises, utilisé à plusieurs reprises le terme de démagogie. Moi, je pense que alors c'est peut-être mon optimisme débordant. J'en sais rien, mais moi j'y crois. C'est vrai, j'ai des convictions là-dessus que finalement c'est marche après marche. C'est l'enjeu, c'est de développer cette culture de l'interrogation en fait et de finalement l'éthique. C'est quoi? Moi j'aime bien la définir comme une source du questionnement et c'est d'inviter en fait toutes les couches sociales, toutes les populations, et on voit bien qu'il y a des choses extrêmement fortes qui se font auprès de lycéens, par exemple, c'est les amener à s'interroger sur tous les champs. La question dans le sens inverse, ne pas organiser ces débats citoyens, ne pas avoir la volonté d'amener à tous les citoyens un degré de réflexion sur justement les enjeux éthiques, l'avancée de la science, de la recherche et la pénétration de ces technologies à l'intérieur de notre quotidien. Si on ne le faisait pas, on pourrait reprocher légitimement à un gouvernement, à un État de ne pas le faire, Emmanuel Hirsch. Je préférerais que toutes ces questions de fond, hein, comme l'environnement, enfin il n'y a pas que la question de la bioéthique, mais maintenant l'environnement est aussi dans la bioéthique, soient accompagnées de manière constante, c'est-à-dire en termes d'éducation, de sensibilisation de la société ou de décision, que ce ne soit pas une affaire d'experts. Je reprends le mot, vous m'avez repris sur le mot démagogie. Moi, je pense que c'est une facilité... Non, que j'ai employé. Je pense que c'est une facilité parce qu'aujourd'hui on nous parle de démocratisation de toutes ces questions, démocratie sanitaire, on n'a jamais été si peu démocrate que quand on en parle. La vraie réalité est la suivante, c'est que les gens sur le terrain sont beaucoup plus avancés que vous le pensez par rapport à ces questions. La vraie question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on va faire de tous ces éléments qu'on va recueillir. Donc pour la plupart d'entre eux, on sait ce qu'ils sont. Les gens qui prennent position sur la bioéthique, dans une société pluraliste, ils n'attendent pas les états généraux pour se prononcer sur l'assistance médicale à la procréation ou pour la GPA, ou sur les grèves d'organes. Donc qu'on ne nous dise pas que c'est uniquement parce qu'on a appuyé sur le curseur le 18 janvier qu'on va avoir des états généraux. Il y a déjà tout un corpus. C'est un moment, j'allais dire, inauguratif, d'une certaine manière, annonciateur d'un débat parlementaire, et ensuite il y aura un arbitrage politique, puisqu'on aura une loi vers mars prochain. La vraie question pour les politiques, c'est de ne pas trop nous décevoir. Parce que sur la fin de vie, François Hollande a voulu un débat, une concertation nationale, il y a eu l'affaire de Vincent Lambert, donc ça a pris beaucoup de proportions. On a déçu beaucoup de gens. Il ne s'agira pas qu'on déçoive trop de personnes. Ceux qui sont le plus implantés dans ces questions sont vraiment très inquiets de ce côté-là. Et on va l'entendre dans quelques instants. J'aurais une toute dernière question pour vous, Karine Lefeuvre. Je l'ai pointé du doigt, j'aimerais que vous y reveniez pour avoir votre opinion, mais d'ailleurs à Emmanuel Hirsch aussi. Est-ce qu'en 2018, vous dites, toutes les couches de la société, des sociétés savantes, des organisations confessionnelles, est-ce qu'aujourd'hui, en 2018, il est vraiment légitime de demander à des organisations confessionnelles dont on peut imaginer le conservatisme sur un certain nombre de ces questions, de participer à ce type d'états généraux? Bien sûr, parce que à partir du moment où on fait participer les citoyens sous quelle que soit leur forme, il faut aussi cette liberté d'expression, elle s'applique à tous. Après, il faut trouver effectivement un équilibre, une juste mesure, qu'il n'y ait pas que ces associations ou organismes confessionnels qui s'expriment. C'est aussi pour cela qu'on ne se limite pas aux auditions, mais aussi à l'expression citoyenne sous toutes ses formes. Emmanuel Hirsch, cette question. Votre question, elle est sympathique, elle est un peu naïve. Je suis un grand naïf. Mais j'aime bien votre émission et je vous le dis avec beaucoup de gentillesse. Vous pensez que le transhumanisme, c'est pas aussi une forme de religion? Vous pensez que l'idéologie scientiste, comme on la voit se déployer au quotidien, c'est pas aussi des formes de religiosité? Donc, on a un contexte, on est dans une société pluraliste, on parle de valeurs. À un moment donné, on est dans des états de droit, c'est le politique qui prend une décision. C'est pas l'Église, c'est pas, j'allais dire, une confession en particulier. Mais que chacun s'exprime, et c'est toute la sagesse du Comité consultatif national d'éthique, de réunir des composantes de la société représentatives, mais qui ne sont pas autour de la table en tant que ce qu'elles sont. Elles sont en tant que membres de la cité. Donc je trouve que ça serait assez déplorable, d'autant plus que dans les états généraux de la bioéthique, les derniers, c'est plutôt l'Église qui a apporté le plus, à mon avis, au débat. En tout cas, là, on se rejoint complètement, Emmanuel, c'est sur le fait que, à la base, ce qu'on met sur la table, c'est la notion de valeur, et c'est ce sont les enjeux autour du respect de la dignité des personnes, tout à fait, et des citoyens et citoyennes. La méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h25, nous parlons des états généraux de la bioéthique en compagnie de Karine Lefeuvre, qui est membre du Comité consultatif national d'éthique, Emmanuel Hirsch, professeur d'éthique médicale à la faculté de médecine de l'université Paris-Sud. Alors, on l'a entendu, hein, pour le moment, le sujet principal qui a été abordé par les médias repris dans la société, puisque c'est l'ambition de ces états généraux, sont liés à l'assistance médicale à la reproduction. L'un des autres sujets sociétaux qui a été ajouté à ces états généraux, c'est celui autour de la fin de vie. À l'heure actuelle, l'euthanasie active est interdite par la loi en France, la loi néonicotinoïde 2005 révisée en 2016 à l'initiative du précédent chef de l'État, contrairement à d'autres pays frontaliers comme la Belgique ou la Suisse. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour comprendre comment sont perçus ces états généraux de la bioéthique, cette réflexion populaire et nationale dans le champ de la fin de vie, eh bien vous vous êtes rendu dans un service de soins palliatifs. Oui, j'ai rencontré Laure Coppel, qui est la responsable du service de soins palliatifs du groupe hospitalier Diaconès Croix-Saint-Simon à Paris. Cette unité de soins, elle peut accueillir jusqu'à 15 patients nuit et jour et 2 patients en situation palliative en hôpital de jour. Laure Coppel m'a expliqué son rapport aux lois qui succèdent sur les questions de fin de vie, mais aussi comment elle a vu évoluer ce qu'elle appelle la culture palliative en France. Alors, dans fin de vie, on entend fin peut-être, mais on peut aussi entendre vie. Donc vraiment, l'objectif, c'est de pouvoir donner la meilleure qualité de vie possible aux patients qu'on accueille, qu'ils soient en toute fin de vie ou pas forcément en toute fin de vie. Donc il y a un petit peu deux aspects dans cette idée de redonner de la vie au temps qui reste. Il y a un côté qui est très médical et technique. Il faut que les patients soient confortables et pour ça il faut qu'ils soient soulagés des symptômes qu'ils ont. Et puis il y a un côté qui est peut-être plus humain autour de ce qui est relationnel, de redonner des possibilités de partage avec leurs proches, peut-être d'avoir encore des activités, de découvertes, de loisirs, des choses à partager et qui sont de l'ordre de vraiment du projet de vie, même si cette vie s'annonce encore un peu courte. Les états généraux de la bioéthique viennent de débuter, ils s'achèveront en juillet en vue d'une proposition de loi à la fin de l'année. À quel nœud éthique vous êtes confronté au quotidien dans le cadre de votre travail ? Au fond, les lois sont des lois qui arrivent quand même régulièrement et on a l'impression quand même que les lois à la fois font évoluer les choses et à la fois il y a quand même quelque chose qui est une vraie réalité, c'est que c'est pas si facile de mourir pour tout le monde et qu'on aura beau faire des tas de lois, il y aura toujours des situations qui sont difficiles. Et moi, mon sentiment quand même, c'est que ça devient compliqué d'être toujours avec des lois qui évoluent, que ça, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la confiance qu'on fait à l'équipe médicale. Ces situations, il y en a certaines qui sont simples, jolies, belles, et c'est la majorité, et il y a forcément des situations qui sont extrêmement complexes et hors cadre. On pourra toujours changer le cadre. Il y a des situations qui seront toujours hors cadre. Donc moi, j'aurais plutôt envie qu'on nous aide à bien avoir des bonnes modalités pour réfléchir aux situations compliquées, de tout ce qui est cette discussion collégiale, effectivement pour pas laisser les soignants seuls face à des décisions difficiles, pour être sûr d'avoir un dialogue qui est de bonne qualité. Donc tout ce qui est autour de la personne de confiance, tout ce qui est autour de ce qui restaure le dialogue me semble être très bon. Inversement, tout ce qui est trop normatif, enferme un peu dans des réflexions qui pourrait nous éviter de penser. Par exemple, typique, si je dois parler de la loi de février 2016, le fait que les patients puissent demander une sédation profonde et continue jusqu'au décès, forcément, pour que ça puisse être non pas de l'euthanasie, mais vraiment une réponse à un symptôme incontrôlé chez un patient qui est en train de mourir, ben, il y a pas mal de choses à respecter pour être sûr que le symptôme a bien été, enfin, qu'on a bien essayé de le soigner. Donc déjà, ça met une sorte de formalité qui est un peu pénible. Et puis on voit bien que si c'est juste les formalités à suivre, ben, on risque de faire ce qui serait vraiment très dommage, c'est de dire « Ah ben, il coche les bonnes cases, donc on le fait, mais sans réfléchir ». Et peut-être que justement, cet excès de législation qui change tout le temps pourrait, dans certaines situations, et peut-être justement les services qui sont le moins habitués à travailler avec ces patients, à juste cocher des cases, voilà, ça me gêne un petit peu. Quand il y a une demande comme ça à mourir, qui est émise de façon claire et nette, qu'on demande par exemple à être euthanasié alors qu'en France ça n'est pas possible, quelle réponse vous apportez, vous, en tant que professionnel de santé ? Alors déjà, la première chose, c'est qu'on dit qu'on peut en parler, parce que effectivement, le risque, ce serait juste de dire c'est interdit, voilà, je veux même pas en entendre parler. Il y a souvent quelque chose derrière dans ces demandes à mourir. Il faut essayer déjà de comprendre pourquoi. Mais en fait, c'est ça qui est étonnant, mais je suis juste obligée de vous demander de me croire, c'est que chez les personnes malades, il y a un désir de vie qui nous étonne. Et des patients qui sont dans une situation où nous, on pourrait dire c'est une qualité de vie que je n'aime pas, et donc je préférais mourir plutôt que de vivre ça, peuvent nous dire qu'ils ont une qualité de vie à 9,5 sur 10, enfin qu'ils sont éminemment heureux, et en voyant leurs yeux et leurs sourires, ça a l'air vrai. Donc c'est quand même très très surprenant, et ce qui est embêtant aussi, c'est ça, c'est que les lois finalement, elles sont faites par des gens en bonne santé, qui ont peur de devenir malades. Et du coup, on risque effectivement de faire quelque chose qui relève de la pensée des bien portants et qui ne relève pas de la pensée des gens malades. Comment vous avez vu évoluer la culture palliative en France et quel avenir vous pensez qu'elle peut avoir ? Alors j'ai vu, en tout cas dans le monde des soignants, une grande évolution. D'abord, je suis cancérologue de formation et je pense qu'au départ, les gens qui faisaient la cancérologie pensaient qu'on avait une bataille à vaincre et que d'ici leur retraite, il n'y aurait plus de cancer non guérissable. Maintenant, ceux qui commencent la cancérologie ou même ceux qui commencent la médecine, ben, ils acceptent l'idée qu'il y a des maladies qu'on guérit et des maladies qu'on guérit pas. Et donc, on est plus quand même, en tout cas dans le milieu soignant, je pense, formé. Déjà, on a beaucoup plus d'armes pour bien soulager les symptômes et notamment la douleur, et plus formé à l'écoute, à l'échange, etc. Donc je trouve que dans l'évolution, moi, des mentalités, je trouve en tout cas justement chez les jeunes médecins ou les jeunes soignants une très grande appétence à cette rencontre, à cette relation et à cette culture qu'on dit nous holistique. Ça veut dire s'intéresser à la personne, pas uniquement parce qu'elle est malade, mais parce qu'elle est une personne avec sa composante psychologique, sociale, voire spirituelle. Et ce qui a beaucoup évolué aussi, c'est quand même nos réponses médicamenteuses aux douleurs et aux autres souffrances. Donc je suis fière de ce qui s'est passé, mais je suis pas très fière de ce qui se passe au quotidien partout. Quand même, ce qui s'est beaucoup dit dans les débats autour de la réflexion avant la loi de février 2016, c'est qu'il y avait encore plein d'endroits où en France on mourait mal. Donc si je suis optimiste, je vais revendiquer l'idée qu'il y ait cette tache d'huile qui continue à se propager, et ce que j'ai pu voir dans des services spécialisés puisse arriver dans tous les hôpitaux de France et dans aussi tous les domiciles et toutes les structures qui s'occupent des personnes âgées, les EHPAD, etc. Donc mon souhait, c'est que ça continue comme ça, c'est-à-dire que petit à petit, cette culture palliative se propage et que les gens sont finalement fiers de faire une belle médecine et d'apporter du réconfort et du soulagement aux patients. Et du coup, ils le feront d'autant plus volontiers qu'ils y arriveront bien. Et donc ça, c'est vraiment ça que j'espère. Après, ce que je crains, c'est qu'effectivement, un peu trop de lois finissent par nous empêcher de penser et que du coup, mon inquiétude, c'est qu'on puisse perdre un petit peu de ce côté-là. Voilà, la parole des soignants, qui est toujours importante à entendre dans ces questions sensibles liées à la fin de vie. Une réaction, Karine Lefeuvre, Emmanuel Hirsch, à ce que vous venez d'entendre, Karine Lefeuvre ? C'est la juriste qui va répondre. Bien sûr. Je l'entends souvent, ce discours, ces questionnements des professionnels, que ce soit aide-soignante, infirmière, médecin, mais aussi personnel administratif, des personnels de direction, et puis les professionnels du social aussi. Le droit, il est là pour, et c'est vraiment ce qui est passionnant dans ces rapports entre droit et éthique, pour rappeler que là on est sur un domaine applicable à l'humain, donc forcément ce cadre réglementaire trop strict n'a pas de sens, et c'est la question, ce qui doit guider l'application, ce que j'appelle moi l'application intelligente du droit, c'est une application faite de bon sens. il est difficile, il est compliqué d'exercer. Vous avez posé la question, je me permets juste de vous dire. Moi, j'ai pas écouté en juriste, j'ai écouté en personne. Et je voulais rendre hommage à Laure Coppel pour sa parole et pour ce qu'elle défend comme valeur absolument essentielle. Je trouve que tant qu'on pourra avoir cette parole, c'est-à-dire des gens engagés comme ils le sont sur le front de la vulnérabilité, dans des situations qui sont des situations souvent extraordinairement plus complexes que l'histoire du débat sur l'assistance médicale à la procréation, on a vraiment des enjeux de société. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est une société ? Et Karine a coordonné un ouvrage sur les vulnérabilités en fin de vie. Quelles sont les valeurs vulnérables aux éditions presse de l'UHESP ? C'est là où est l'essentiel. Et puis je voulais aussi lui dire qu'elle soit rassurée. On a eu 4 lois sur la fin de vie. 99, 2002, 2005 et 2016. La prochaine loi, elle est pour demain, et il n'y aura pas d'autres lois, puisqu'on a dit que la loi de 2016 était transitoire avant l'euthanasie. La vraie question, c'est qu'on a des lois qui sont qu'elles soient des lois palliatives. C'est-à-dire, Marisol Touraine trouvait qu'on n'était pas encore mûr, ça faisait trop de débats si on avait de suite été sur l'euthanasie. Et soyons attentifs qu'à travers même les lois de bioéthique, on ne prépare pas la société, c'est-à-dire on n'accompagne pas, et c'est toutes les critiques qu'on fait à des comités d'éthique, en disant vous préparez la société finalement à une acceptabilité de l'inacceptable. Et c'est là où il faut être très très vigilant. On entend dans le reportage, dans ce que dit Laure Coppel, il est compliqué d'exercer avec les lois qui évoluent, avec les lois qui changent en permanence. Ouais. Mais je viens de le rappeler sur la fin de vie, effectivement, il y a une sorte d'empilement législatif qui rend la pratique très complexe. Est-ce que c'est le cas dans d'autres domaines de la bioéthique ? Je réagis quand même juste encore sur ce sujet. Et je me disais que finalement, ce qui fait la complexité, c'est de s'apercevoir que les cultures sont extrêmement différentes si on regarde en Europe ou dans le monde. Et qu'est-ce qui fait qu'en France, ces questionnements éthiques ne sont pas les mêmes qu'ailleurs, même si on a des choses en commun et ailleurs. Et d'ailleurs, c'est un des objectifs du Comité consultatif national d'éthique, c'est d'essayer de réfléchir à court ou moyen terme sur comment ça se fait qu'en France, on avance à ce rythme-là, plus ou moins vite d'ailleurs, selon les thématiques. Par rapport à la Belgique, à l'étranger. Oui, tout à fait. Et là, la dimension internationale est vraiment frappante et extrêmement intéressante à creuser. Le danger, Karine, c'est qu'on dit ce qui se passe en Espagne, on voit sur les ovocytes, par exemple, dans d'autres pays pour la GPA, pourquoi c'est autorisé ailleurs et pas chez nous. Et pourquoi certaines personnes, c'était la même chose avant la loi Veil pour la question de l'avortement. Et c'est vrai que c'est des questions qui sont des questions à prendre en compte. Mais ce qui est aussi passionnant, quand on regarde par exemple les législations au Benelux sur la fin de vie, quand on prend par exemple la loi belge, c'est l'évolutivité. C'est-à-dire dès lors qu'un certain nombre de repères deviennent incertains et équivoques, on dérive. Et d'une certaine manière, le débat actuel, par exemple, en Belgique, c'est l'euthanasie pour les personnes atteintes de maladies d'Alzheimer. On a aujourd'hui 900 000 personnes à peu près en France atteintes de maladies neurocognitives comme la maladie d'Alzheimer. Qu'en sera-t-il demain si on légifère en matière d'euthanasie ? Ça a l'air de rien, mais les soubassements d'une société, c'est quand même là. C'est extrêmement important. Les fragilités sont là. Il faut aussi vivre les questions de bioéthique en termes de violence. On parle du corps de la femme, d'une certaine manière. On parle de l'enfant, d'enfants à naître, nos responsabilités vis-à-vis des générations futures. Alors c'est bien de parler de l'environnement et de respect de la nature, mais on fait partie de cette nature. Donc les vraies questions sont là. C'est-à-dire c'est des questions, à mon avis, à la fois philosophiques, anthropologiques, civilisationnelles, mais aussi des questions politiques majeures. Mais on touche aux fondamentaux, et d'ailleurs je reviens juste au slogan, si on peut appeler ça comme cela, la formule qui est affichée pour ces états généraux, c'est quel monde voulons-nous pour demain. Donc c'est quel monde, quelle représentation de la société, et d'ailleurs c'est quelle société, et plus largement c'est quel monde. C'est pourquoi ici on pense de cette façon, et d'ailleurs si on interroge les citoyens français, il faut aussi accepter l'idée que peut-être qu'on n'a pas envie d'avancer aussi vite sur certaines questions que dans d'autres pays, ou au contraire on a envie d'avancer plus vite que dans d'autres. Et ensuite c'est voulons-nous, donc dans le verbe vouloir, c'est là on retrouve la notion de participation et d'expression d'un choix. Qu'on ait le choix. Mais je vais reprendre un peu ces interrogations que vous abordez l'un et l'autre. Est-ce que effectivement en matière de bioéthique, d'une part la France est plus conservatrice, et si elle l'est, pourquoi ? Est-ce qu'on a une connaissance, une idée, un début d'analyse de ce conservatisme en matière de bioéthique ? Et dans un deuxième temps, et je rejoins ce que l'interrogation d'Emmanuel Hirsch tout à l'heure, est-ce que cette future loi projet de loi sur la bioéthique n'est pas obsolète avant même d'être sorti de ces états généraux, Karine Lefeu? Bien, moi j'ai envie, en vous écoutant, de dire mais en vertu de quoi on pourrait dire qu'on est plus conservateur que dans d'autres pays ou pas? Où se situe le curseur c'est... Prenons les deux sujets dont on vient de parler, la fin de vie et l'aide médicale à la reproduction. Ouais. Pour le coup, de facto, on est en retard par rapport à des pays qui sont culturellement proches de nous. Alors, est-ce que c'est dû à la... Alors, j'ai pas d'explication. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous disais que le CCNE voulait impulser une dynamique de réflexion sur ces comparaisons internationales, pour le fait de se dire, d'essayer de comprendre pourquoi il y a cette différence d'approche, justement. Est-ce que c'est dû d'un point de vue historique au fait qu'on a, il y a beaucoup de débats en France, on a un pays, enfin voilà, on a été marqué par la Révolution, par ce... Est-ce que c'est dû à ça ou pas? Juste une parenthèse, la Belgique qu'on vient de citer, c'est le pays le mieux placé par rapport à la France sur les soins palliatifs. C'est pas tout blanc, tout noir. C'est-à-dire, il y a une intelligence. Alors, le côté protestant, par exemple, a permis aux soins palliatifs de se développer, notamment en Angleterre. Bon, il y a des aspects qui sont religieux. Il y a des aspects culturels. Il y a aussi la responsabilisation des personnes. Toute la question de l'autonomie, on l'a vu faire éruption dans la société française d'un point de vue médical avec la loi Kouchner. Donc, il y a tout un ensemble d'éléments. Le paternalisme médical à la française, ça fait partie aussi d'une tradition qui est très ancrée dans une certaine vision catholique qu'avait l'ordre des médecins à une époque. Donc, c'est pas l'analyse à faire. Mais je ne suis pas certain que la patrie des droits de l'homme n'ait pas un rôle particulier à jouer par rapport à ces questions. Je ne suis pas certain que là où les lumières se sont développées, on est face aussi à des défis de la même nature. Donc, encore une fois, j'évoquais le fait qu'on ait un président de la République qui s'inspire beaucoup de Ricoeur. Ricoeur, il a écrit l'introduction du code de déontologie médicale. Et sur une question importante, c'est la reconnaissance de la personne, toute cette attention portée à l'autre. On est dans cette dimension-là. Donc, on a une opportunité assez extraordinaire à éviter l'irrévocable. Est-ce qu'on a une parole au niveau international à porter en tant que Français et même en tant qu'Européen, parce que beaucoup de textes de bioéthique, il y a les textes de l'UNESCO, il y a des textes importants au niveau de conventions européennes. Donc on part avec un thésaurus, par exemple. Et je dirais que ça fait partie d'une certaine façon de notre patrimoine, de notre culture. La vraie question que je me permets de poser, puisqu'on est sur France Culture, l'intelligence artificielle nous permettra demain de poser ces questions. Alors, c'est-à-dire d'aller véritablement dans la finesse et dans la sensibilité de ces questions. Justement, voilà, pour parler justement de cet autre champ de débat de ces états généraux de la bioéthique, du champ émergent de, alors dire nouvelle technologie, c'est déjà être un peu dans le champ du passé et pas tellement celui du futur, mais en tout cas tous ces nouveaux défis que l'on a évoqués ça et là, les données de santé médicale, les avancées de la génomique, de l'édition génétique, la recherche en embryologie, la thérapie en embryologie, qui sont aujourd'hui des débats extrêmement importants de la médecine et de la science du futur. Est-ce que vous pensez, Karine Lefeuvre, que ces états généraux vont pouvoir nous permettre à la France de reprendre de l'avance, ou en tout cas, comme vient de le signifier Emmanuel Hirsch, de rattraper ou de combler un retard qu'on a pu avoir sur d'autres sujets qui étaient des sujets plus sociétaux, peut-être plus sensibles, compte tenu de la culture française que l'on vient d'évoquer. En tout cas, moi, je l'espère. Je pense qu'au moins, ce qu'on peut... le premier sujet d'espérance, c'est le fait de se dire qu'on va éclairer et les citoyens sur des avancer un petit peu sur la réflexion sur ces sujets qui pour l'instant sont encore largement méconnus sauf de quand même de certains experts. Si je me permets moi une observation, il faut pas s'imaginer qu'on ait attendu le 18 janvier pour débattre de ces questions sur la question de la prédictivité, sur la question la des données. La prédictivité, vous voulez dire en matière par exemple de numérique, tout ce qui est brassage des données pour prendre l'exemple. Pas le diagnostic préimplantatoire. Non, mais il y a déjà de prédictivité par rapport à la maladie, voilà. Mais c'est aussi dans le diagnostic préimplantatoire, enfin dans toutes ces techniques, sur tout ce qui est numérisation des données, pour prendre un exemple. Dans le CRISPR-Cas9, le fait de pouvoir séquencer les... Vous avez une réflexion extraordinaire au niveau international. On a beaucoup dit sur CRISPR-Cas9 qu'on avait une technique qui n'avait pas été pensée en matière d'éthique avant d'être appliquée. Rien n'est pensé, n'imaginez pas, on est devant un fait, et puis ensuite on cherche à l'accompagner le moins mal possible. Enfin, c'est ce qu'on appelle le préférable, si on est un peu rigoriste. La vraie question pour moi, c'est pas véritablement de se dire on a besoin d'une loi, on a besoin d'accompagner des évolutions d'une certaine manière, et savoir, et c'est une question très simple, qu'est-ce que ces évolutions apportent à notre humanité. Prenons des cas concrets, Emmanuel Hirsch, aujourd'hui, d'un débat, d'un des thèmes avec vous, Karine Lefeuvre, qui vous semble important, sur lequel, précisément, une réflexion éthique citoyenne collective nous permettrait d'avancer, de mieux penser, de mieux encadrer, tout en permettant une recherche libre, en tout cas qui se sente libre, parce qu'on a beaucoup eu autour de cette table des généticiens, des personnes qui travaillent en embryologie, qui disent, bon, ben voilà, aujourd'hui, on a pris 20 ans de retard parce que, par exemple, en embryologie, depuis l'avance qu'on avait dans les années 70-80, eh bien, les lois ont été tellement restrictives que la plupart des jeunes chercheurs partent s'exiler en Grande-Bretagne, aux États-Unis, dans d'autres pays où les recherches sont moins encadrées et moins strictes. Si vous me parlez d'un sujet précis, alors d'abord, sur ce que vous venez d'affirmer, le président du comité d'éthique a demandé aux chercheurs de leur dire en quoi ils ont été entravés par les lois de bioéthique. C'est faire de la recherche éthique, c'est pas perdre des chances, c'est pas perdre des marchés, c'est quelquefois avancer plus vite. Mais ça, c'est un petit détail qu'on pourrait expliciter. Non, la notion de prédictivité, par exemple. Nous, on travaille en tant qu'équipe de recherche sur l'anticipation de la maladie d'Alzheimer. Savoir que dans 13 ans, vous allez développer la maladie d'Alzheimer et qu'on peut vous proposer des traitements préventifs. Quand va-t-il être qui n'existe pas pour le moment. Hein. Non, mais il y a des hypothèses et il y a même des essais cliniques qui sont développés à cet égard. Donc, avoir ce statut de possible personne développant telle et telle de maladie, ça va être le statut de tout le monde en termes de génomique. Tel type de vie, quel type aussi de stigmatisation, quel type de justice par rapport à l'assurance, par rapport au travail. Voilà, ça, c'est des questions sociétales extrêmement concrètes. CRISPR-Cas9 qu'on vient d'évoquer, on voit les conséquences que peuvent avoir pour les générations futures un certain nombre de modifications du génome. On voit déjà des études qui apparaissent. Est-ce qu'on n'est pas, entre guillemets, apprenti sorcier? Voilà des questions. Mais la vraie question que j'ai pas pu terminer, c'est est-ce qu'on peut réguler tout ça? La vraie question, c'est ça. C'est pas tout dire on va arrêter en France ou on va arrêter avec une espèce de moratoire international comme on l'a fait hier en matière de génomique, par exemple. Non, la vraie question fondamentale, c'est quel type de régulation. Et encore une fois, je prends que certains pays asiatiques n'ont rien à voir avec nos problèmes de bioéthique. Ils voient des enjeux financiers, des enjeux aussi de pouvoir, enfin je veux dire de pouvoir, également dans le domaine de l'armement. Enfin, il ne faut pas qu'on soit naïf. La bioéthique, c'est vraiment une réflexion politique et j'allais dire géopolitique. Et je ne suis pas sûr qu'on mobilise véritablement toutes les compétences et qu'on soit assez réaliste. Ah, c'est pour ça qu'il faut qu'elle soit posée de façon au niveau international. Tout à fait. Parce qu'il y a des cultures différentes, justement. Mais alors, justement, que faire? Parce que cette question, elle est assez vaste. Finalement, si on pousse votre logique jusqu'au bout, est-ce que on fait bien de réfléchir à la bioéthique ou est-ce qu'il faut, au contraire, lever tous les freins, ouvrir toutes les vannes et dire, puisqu'il y a de la compétition dans certains pays asiatiques, mais pas que, hein, puisqu'on peut parler de certaines formes de recherche qui ont été complètement libéralisées dans des pays anglo-saxons ou même dans certains pays européens, est-ce que cette réflexion bioéthique, il faut la vivre comme une entrave, il faut la vivre comme, au contraire, quelque chose qui permette d'élever notre pratique de la médecine, notre réflexion de la médecine. Emmanuel Hirsch vient de dire à l'instant, il y a une pratique ou une recherche bioéthique qui est une pratique qui nous élève et qui est une pratique vertueuse. Comment l'envisager, Karine Lefebvre ? C'est tout le sens de la réflexion éthique, justement. C'est de toujours s'obliger à réfléchir autrement, à se poser des questions, à revenir à chaque fois sur les fondamentaux, sur les valeurs. Tout à l'heure, Emmanuel, tu parlais de régulation. Qui régule ? Est-ce qu'on peut compter faire confiance à une autorégulation des chercheurs ou pas, peut-être sur certains mais pas sur tous. C'est là l'enjeu et le risque déjà, aussi. Mais si on parle de la médecine, j'aimerais qu'on prenne un cas concret tout de même. Ce que vous évoquiez, puisque vous l'avez choisi, Emmanuel Hirsch, c'est médecine prédictive. C'est intéressant, ça pose beaucoup de questions. Des questions qu'effectivement, qui n'ont pas attendu le 18 janvier pour se poser, qu'on a abordées dans certaines de ces émissions autour de cette table-là. Cette médecine prédictive individualisée qui fait qu'à travers l'analyse génomique, on va pouvoir vous dire, vous êtes sensible à tel type de cancer, à tel type de maladie, vous allez développer ça. Que faire de ces données? Comment appréhender l'ampleur des questions que pose cette médecine prédictive individuelle dans le cadre de cette réflexion? Et quel est à ce moment-là le rôle d'une loi d'encadrement? Karine Lefebvre. Puisque vous parlez d'une loi, moi je reviens toujours au symbole de la balance, hein, c'est la mesure entre les bénéfices-risques. Je trouve que c'est un très beau symbole, la balance. Moi j'y reviens constamment et par rapport à ces essais sur tout ce travail sur le génome, c'est de se dire est-ce que c'est uniquement sur une finalité médicale ou est-ce que effectivement on pourrait concevoir un homme ou une femme parfaite. Il est où le risque et là c'est pour ça qu'il faut mettre cette réflexion sur la table. La question que vous posez est l'injonction de savoir, c'est-à-dire est-ce qu'on a envie de tout savoir? C'est la question de la liberté. Qu'est-ce que c'est une existence humaine? Qu'est-ce que c'est une existence accomplie? Qu'est-ce que c'est exercer une responsabilité? Là, ce que je trouve passionnant, j'avais donné l'impression d'être un peu critique sur le beauty. Mais moi, je suis un enthousiaste. C'est la dernière occasion, peut-être, qu'on a de parler sérieusement. Emmanuel a des convictions aussi. Hein. Non, oui, c'est ça, peut-être la dernière occasion qu'on a de parler du vivre ensemble, de ce qu'est une société, de notre bien commun. Et donc, si on en fait formidable occasion de parler de ce qui nous rassemble, de ce qui nous est constitutif, de ce qu'est un projet de société, de ce qu'est la question de la justice, pas uniquement dans l'accès aux technologies les plus sophistiquées. Vous voyez, un élément qui est dans la bioéthique, le coût des molécules anticancéreuses, voilà, pour prendre un exemple précis, de plus en plus des défis en termes de financement. L'accès, par exemple, à des greffons pour des personnes qui sont en demande de greffe d'organes. La justice dans des traitements qui sont de plus en plus avec des conséquences discutables, notamment on voit aujourd'hui la maladie chronique qui se vit au long cours dans une société qui est de plus en plus indifférent à la vie au quotidien des personnes malades. Donc il y a tout un ensemble d'éléments. Donc pour moi, c'est une opportunité extraordinaire de parler des choses les plus sérieuses et j'allais dire les plus immédiates pour chacun d'entre nous. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on s'enferme dans des débats spéciaux sur les technologies, mais qu'on voit quelle intelligence humaine et quelle éthique pour aujourd'hui. Et je trouve que le défi s'est assez bien lancé. Quand vous regardez le dossier presse du Comité consultatif national d'éthique, vous voyez qu'il est question quand même de valeurs, il est question de projet d'humanité. Karine Lefeuvre, là sous la main. Donc on est quand même dans quelque chose dedans. Est-ce que ça sera recevable ou pas par la société? Qui vont être les médiateurs? Et peut-être qu'on va être surpris. C'est-à-dire, si vous nous invitez, si vous faites cet honneur de nous inviter dans quelques mois pour parler de la première étape. Avec grand plaisir. Peut-être qu'on aura la surprise de voir une intelligence, j'allais dire collective, se déployer, comme on l'a vu dans d'autres sujets. Et peut-être qu'il y aura l'expression de solidarité nouvelle. Parce que la question aussi des vulnérabilités par rapport aux nouvelles technologies, elle n'est pas anodine. Ça pose vraiment les questions de la démocratie. Donc peut-être que ça va être un rendez-vous démocrate. Et soyez convaincus que nous, en tant qu'espace éthique, on va faire le maximum pour aller chercher les gens quasiment à la maison pour qu'ils viennent participer au débat. Ouais. Karine Lefeuvre là-dessus, et puis ce sera d'ailleurs ma question finale. Moi, je veux participer. On vient d'avoir une heure de débat, on voit bien que cette heure de débat, on pourrait la multiplier par 5, par 10, ouais. Et qu'on n'aurait encore pas fait le tour, et c'est pour ça que d'ailleurs, ce débat dure 6 mois. Ça tombe bien, mais comment, encore une fois, aller chercher les gens chez eux, dans leur salon, comment aller les impliquer sur l'ensemble de ces questions dont on voit l'ampleur de la portée pour effectivement le monde de demain qu'on veut, qui pour le moment, comme l'a dit souvent Emmanuel Hirsch aussi, a été... créé par des entreprises privées qui ne se posent pas ces questions-là et qui nous font subir un certain nombre de techniques. Ben, je crois que finalement, c'est une chance de donner, c'est une chance pour chaque citoyen, effectivement, de réussir à saisir cette main qu'on nous tend et de se dire, ben voilà, c'est une possibilité de s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Donc, allez voir, et ça, je parle à chacun sur les sites des espaces de réflexion éthique de votre région, où il y a la liste des manifestations. On a mis les liens sur le fil Twitter de l'émission. C'est déjà. Aussi, et ça, le professeur Jean-François Delfrécy, président de CCNE, l'a redit, un défi aussi pour la presse d'informer les citoyens à tous les niveaux de la presse et aussi bien sur les réseaux sociaux aussi de développer les choses. Nous essayons de faire ici même. Voilà, donc c'est la grande question, c'est est-ce que les citoyens vont s'en saisir ? Voilà, donc moi je suis convaincue, c'est une question de responsabilité aussi personnelle et collective. Et d'ailleurs, dans le terme de participation, il y a prendre part, il y a le terme action, c'est-à-dire être acteur et pas non plus pas uniquement spectateur, il est plus temps d'être spectateur aujourd'hui. Et puis il y a aussi le terme passion, donc ça va donner lieu sans doute à des débats passionnés. Mais la passion, c'est aussi la souffrance parfois, donc pour certains, ça peut être aussi des débats difficiles. Des enjeux pour que vraiment on ait un débat démocratique, c'est qu'on passe de considérations individualistes un intérêt collectif, c'est-à-dire une vision d'ensemble, tout y compris fait. Par rapport aux pays en difficulté, par rapport à l'accès à tous ces traitements. Je trouve que c'est un enjeu assez fondamental. Si tout à l'heure vous avez du temps, Nicolas Martin, vous allez à la mairie du 4e à 18h30, on a 300 personnes qui sont inscrites pour notre premier débat. Et puis dans une semaine un peu plus, c'est à Sciences Po. Donc ce qui serait intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, un certain nombre d'instances, notamment universitaires, mais également des mairies, il y a tout un ensemble d'initiatives qui dépassent d'ailleurs, j'imagine, ce qu'on pensait au départ. Donc c'est ça qui va être l'intelligence inattendue. Eh ben c'est non seulement on continuera à s'en faire le relais, on le fait déjà sur le fil Twitter de l'émission, et puis surtout on se donne rendez-vous à l'issue de cette consultation et peut-être à la rentrée ou à l'automne pour voir si a émergé cette intelligence collective que vous appelez de vos souhaits. En tout cas, évidemment, on continue à suivre ça. Et puis si vous qui nous écoutez ou qui vous nous podcastez, vous voulez vous impliquer dans ces états généraux, eh bien vous vous rendrez alors peut-être pas tout de suite, mais dans quelques jours, dans quelques semaines, sur le site états-généraux-de-la-bioéthique.fr. Ça va sortir dans très peu de temps. Les auditeurs de France Culture y apprendront beaucoup. Et c'est ça le biais. Si on n'a que des auditeurs de France Culture à nos débats, je pense qu'il y aura un biais de recrutement. Il faut aussi des auditeurs d'autres chaînes. On appelle les collègues des autres radios à venir participer également à ces débats publics. Mais pour l'heure, et on est déjà un peu en retard, vous le savez, tous les mercredis, nous donnons la parole au futur de la recherche, des jeunes doctorants, doctorantes qui viennent nous présenter leurs travaux de recherche, toujours en lien avec l'émission. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Adeline Néron. Bonjour. Vous venez de soutenir au mois de décembre dernier votre thèse à l'École des hautes études en sciences sociales au centre Alexandre Coiré, sous la direction de Dominique Pestre. Bienvenue à la recherche Montre en main, c'est à vous. Merci. Merci vraiment de cette invitation. Je suis heureuse de vous retrouver. Mon travail est essentiellement porté sur construire une sociologie politique de la bioéthique.

Merci beaucoup Adeline Néron pour votre présentation. On n'a malheureusement pas le temps d'en discuter là, mais on va en discuter certainement hors antenne. Merci en tout cas à nos deux invités du jour, Emmanuel Hirsch, merci Karine Lefeuvre. Je rappelle, si vous voulez consulter Protéger les majeurs vulnérables sous votre direction et celle de Sylvie Moisedon-Châtaignier en trois volumes, c'est aux presses de l'EHESP. Je vous rappelle que vous pouvez prendre d'ores et déjà vos places pour, il en reste, faut se dépêcher parce qu'il en reste quasiment plus, pour le grand forum L'année vue par les savoirs samedi, où on parlera là pour le coup des liens entre sexe et pouvoir, et pour ce qui nous concerne de dimorphisme homme-femelle chez l'homme par le biais de l'évolution, de la génétique, de l'épigénétique, de la culture. Ce sera samedi de 15h30 à 16h30 dans le grand amphi de la Sorbonne. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Un mot pour vous dire que dans un instant, c'est l'espionnage sur écoute par Amaury Chardot et Julie Béressier dans le Grain à Moudre tout à l'heure à 18h20. L'actualité est-elle soumise aux réseaux sociaux? On se retrouve demain pour parler de l'histoire du vide à 16h jusqu'à preuve du contraire.